I'm Pain. Pain. Pain. It's alive! Eh bien, je me retrouve seul ce soir, puisque notre gobelin Sinistros est tombé directement dans le piège de Dame Nature. Ne reculant devant rien pour venir vous divertir à réanimation, et devant les mauvaises conditions routières, Sinistros aura décidé de venir en canot. Mais il se sera échoué sur une banquise de glace au Groenland. Je me demande bien par où il était passé. Quoi qu'il en soit, le pauvre est perdu pour toujours et ne reviendra plus jamais à réanimation. Gardons une minute de silence en mémoire de Sinistros. Bon, c'est long, une minute. Et de toute manière, il n'est pas disparu à jamais. Malheureusement, il sera de retour la semaine prochaine. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il vous regarde attentivement après examen et qu'il vous dit... Et voilà, je l'ai trouvé, votre problème. Ah oui, docteur, quel est-il? Ben, c'est moi. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are undead incorporated, cause I, Pendragon, said so. War Dryad. Sensors as the way to die. Analyze, the vigilance can't take our lives. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation. En ce 13, mardi 13 mars de l'an de disgrâce 2018, je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai seul ce soir, métalliquement, jusqu'à 21h. Parce qu'effectivement, Sinistros n'est pas là. Mais comment lui en vouloir? Il a été brave de vouloir traverser jusqu'ici en canot. Blague à part, évidemment, le mauvais temps fait que notre pauvre gobelin est effectivement perdu quelque part dans le pôle Nord. Moi, on devrait le retrouver la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, je me ferai un devoir ce soir de quand même vous diffuser la programmation que Sinistros avait prévue pour l'émission de ce soir, c'est-à-dire ses choix étranges et, ma foi, discutables. On vient d'entendre la formation de Halifax en Angleterre, Paradise Lost, et la pièce From the Gallows, pièce qui est tirée de l'album Medusa, qui est paru, leur 15e album, qui est paru le 1er septembre 2017, soit l'an dernier, sous étiquette Nuclear Blast, Paradise Lost. Évidemment, c'est Nick Holmes, hein, aussi au vocal qu'on a entendu la pièce tout juste avant, dont je vais parler dans quelques instants, ainsi que Gregor McIntosh, qui fait partie aussi de la formation Violent Fire. Justement, Nick Holmes, nous l'avons retrouvé avec Bloodbath, juste auparavant, formation de Suède, de Stockholm, plus précisément, et la pièce Church of Vastistas, tiré de leur... c'est pas mal le dernier album qu'ils ont fait. Grand Morbid Funeral, leur 4e, paru le 17 novembre 2014 sur Peaceville. Et je suis pas mal certain que c'est le dernier, mais je vais vérifier. Tout à fait, c'est le dernier. Et on retrouve, en plus de Nick Holmes, de Paradise Lost, dans l'alignement de la formation Bloodbath, on retrouve Jonas Rengse à la basse, qui est aussi connu pour être maintenant le chanteur de Catatonia, mais avant, il était aussi le batteur. Et ainsi que Martin Axenroth, qu'on retrouve dans Opeth. Donc, c'est un espèce de All-Star Band, si on veut, d'une certaine façon, ainsi que Anders Nystrom, également, de Catatonia. Et nous avons ouvert avec Asphyx des Pays-Bas, voilà. Et la pièce War Droid, qu'on retrouve sur Incoming Death. Leur plus récente parution de 2016 sur l'étiquette Century Media, paru le 30 septembre précisément. Très bon album, leur 9e, c'est vraiment un album que j'avais retenu en 2016 lors de mon top 10. J'aime beaucoup ce qu'Asphyx font. Ce soir, il y aura, comme à l'habitude, des présentations. Mais les présentations, deux tiers Sinistros, un tiers moi. Sinistros avait choisi de vous présenter le nouvel album de Pestilence, ainsi que Abysmal Grief. Et tant qu'à moi, je vous présenterai une nouveauté qui est parue il y a très longtemps, c'est-à-dire le 2 mars dernier, soit Void Anger. Et à travers ça, Chronique Cinéma, séries télévisées et quelques appréciations très, très minimes au niveau de la musique. On va poursuivre immédiatement avec... Non, pas du tout. On va aller en pause publicitaire avant de poursuivre musicalement, donc je reviens. C'est fou, 89.1. Plus d'informations, visitez cfou.ca. Né en 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! Le prétexte, c'est simplement une raison pour parler de musique. Tous les dimanches soirs, 19h, c'est fou, 89.1 FM. Salut, Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face. Là où je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait qu'attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus. C'est fou, 89.1. 1. Super la fun. Donc, premier bloc, présentation, gracieuseté de notre ami Sinistros, le pestilentiel gobelin, dans lequel on va retrouver Behemoth, yeah, Septic Flesh, ouais, et Karak Angren. Mais non, c'est une blague, allons-y tout de suite avec Karak Angren et la pièce Char Rail. Go! la formation polonaise Behemoth et l'excellente Oh Father, Oh Satan, Oh Son, qui est tiré de leur dernier album et plus récent à être paru à ce jour, soit leur 10e de Satanist, paru le 3 février 2014. Sous étiquette Nuclear Blast. Ah, je m'attendrais à en avoir un autre bientôt, au moins de la part de Behemoth, quoique on sait que Nergal a été très malade, souffert d'un cancer, une ischémie, je crois, donc c'est possible que cela puisse... ça l'a pas empêché de faire des prestations, mais peut-être que ça ralentit certains processus et on pourrait lui pardonner. Juste avant de Grèce, Athènes plus précisément, Septic Flesh et la pièce Burn, tirée de l'album Titan. Leur 9e album paru le 20 juin 2014, également sur Season of Mist, un autre très bon album pour Septic Flesh, mais qui, pour moi, n'est pas nécessairement le plus fort. J'ai de très beaux moments sur cet album, mais par contre, c'est pas mon préféré de leur discographie. Et on ouvre avec la formation Karak Angren, une formation qui vient de Limburg dans les Pays-Bas. Connotation symphonique black metal, semble-t-il. Je suis plus ou moins convaincu, mais bon. La pièce Chiral qu'on retrouve sur Dance and Love Among the Rotten. C'est fort sympathique comme titre. Paru le 16 juin 2017, c'était leur 5e album sur Season of Mist. C'était les choix de Sinistros. 19h40, on va poursuivre musicalement. Cette fois-ci, on va faire un bond de 33 ans en arrière pour aller écouter René Simard. Voilà. Mais non, pas du tout. Sa sœur, voyons. Celtic Frost, Dawn of Megiddo. Let's go.

souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes, l'émission Loc Trotteur est pour vous. Afrofunk, fado, bluegrass, zouk, ethio-jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CFU 95.fm. Vous êtes à 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à 6 Trois-Rivières, c'est le 89.1. À 9h58, vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Et ça, jusqu'à 21h, je vous rappelle que je suis Dr. Pain Pendragon et que ce soir, je fais cavalier seul parce que mon assistant et comparse Sinistros est rendu, comment il s'appelait déjà, Snowy the Snowman, je sais pas quoi, quelque chose de genre, non? Et finalement, on s'est parlé tout à l'heure, lui et moi, puis c'est pas ramassé au Groenland, il s'est ramassé en Islande. Je lui avais dit que les sports nautiques et lui, ça allait pas très bien ensemble. On vient d'entendre avant la pause publicitaire la formation floridienne Obituary. Une pièce de Drop Dead qui est tirée de Executioner's Return. Leur 7e album paru le 27 août 2007 sur Candlelight. Et j'ai toujours la même impression lorsque j'écoute du Obituary, que ce soit dans peu importe la circonstance ou peu importe la fréquence, j'ai toujours l'impression que ça sonne vieux. Je dis pas ça parce que j'aime pas Obituary. Il y a des choses que je trouve vraiment très bien d'eux autres. Mais c'est un son qui a jamais sonné autre chose que vieux. Donc... ça peut probablement leur servir à quelque part parce que ça devient peut-être un petit peu intemporel, là. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'impression que ça m'a toujours laissé. Juste avant, le Toronto Sacrifice et la pièce Tetragrammaton qu'on trouve sur leur dernier album en liste, The One I Condemn, et qui était leur 5e, paru le 6 juillet 2009 sur Marquee Records. Je me rappelle, à l'époque, je crois que c'était en 2011, peut-être 2012, je ne sais plus, j'avais posé la question à Robert Benatti, est-ce que vous croyez refaire des enregistrements studio? Et il m'avait dit non. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des albums qui sont réédités. Je pense que c'est... je crois que j'ai cru lire sur leur page que Forward Determination ainsi que je sais plus quel autre album était pour être édité. Bon, c'est peut-être le premier move, la première amorce pour dire à Sacrifice, on va finalement refaire autre chose. Ça serait souhaitable parce que moi j'aime beaucoup le groupe. Et on a ouvert avec Celtic Frost. Comme je le disais tout à l'heure, on a fait un bond 33 ans en arrière, puis c'était en 1985. Et la pièce Down of Megiddo, qui est tirée de l'album To Megatherion. C'est leur premier officiel album studio, proprement dit, qui est paru en 85, soit le 27 octobre, parce que faut savoir que, quand on parle de Morbid Tales, c'est l'amalgame de deux trucs ensemble. Donc, est-ce qu'il est vraiment considéré comme le premier album studio? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Moi, je pense que le premier album complet et original studio est To Megatherion. Puis, tant qu'à moi, c'est pas mal le même. Non, c'est pas mal le meilleur. C'est le meilleur. Il y a quelques trucs intéressants subséquents, mais ils avaient tout donné avec cet album, je crois. Faisons peut-être abstraction de Monotheist, qui était un album très, très, très, très, je dirais, différent, qui était un bon album quand même. C'était vraiment le dernier à paraître sous le nom de Celtic Frost. Je vous parle cinéma, puis que ça vous plaise ou non. Actuellement, ce qu'il y aura en salle ce vendredi 16 mars, c'est la revision de Tomb Raider, un film qui, en fait, c'est deux films plutôt, qui avait été popularisé dans les années 90 par c'est les aventures de Lara Croft, bien entendu, donc Il y a eu des jeux vidéo aussi, popularisés et incarnés surtout par Angelina Jolie, qui aujourd'hui pourrait probablement incarner un des squelettes qu'on voit dans le film, mais pas plus que ça. Donc aujourd'hui, ça met en vedette Alicia Vikander, Dominic West et Walton Goggins. C'est un film de Hotag, tout le genre, j'en fous. Est-ce que ça sera bon? Je sais pas. On est dans une mode de reprendre ce qui a été fait, de le refaire. Je me suis souvent posé la question. Je l'ai posé en onde aussi. Je vais le refaire ce soir. Est-ce parce que c'est un manque d'inspiration? Est-ce que les cinéastes trouvent que c'est plus simple de reprendre quelque chose et de le mettre à la sauce et au goût du jour, ce qui n'est pas toujours nécessairement une bonne chose, encore moins nécessaire? J'ai aucune idée. Mais certainement que par curiosité, je vais vouloir le voir un de ces quatre. Dans ce que j'ai écouté et que j'ai trouvé, à la fois bon et moyen, eh bien, je vous parle de la première saison de la série télévisée Myth et Légende, ou Laurie, dans son titre original, qui est une série d'horreur à la fois à laquelle on mène une partie documentaire avec une reconstitution d'acteurs, par des acteurs. C'est une série qui est de Aaron Mankey, qui est lui-même le narrateur de la série et qui apparaît lui-même aussi en tant que figure, ben, pas figurant qu'acteur. Donc, c'est six petits épisodes qui durent entre 33 et 45 minutes, si je ne m'abuse, qui traitent tous de sujets différents. On retrouve, le premier épisode traite de ceux qui se faisaient enterrer vivants. L'épisode commence avec ceux qui se faisaient enterrer vivants à l'époque où il y avait la tuberculose aux États-Unis, qui tuait pratiquement une personne sur quatre, et que à l'époque, ben, les croque-morts, c'était pas nécessairement ce qui était le plus à la mode et encore moins le plus développé scientifiquement au niveau des instrumentations et des techniques de prouver que quelqu'un était réellement mort alors qu'il n'était pas simplement évanoui ou en état de catatonie. Alors, beaucoup de gens sont faits enterrer vivants. Et l'histoire débute avec ça. C'est vraiment très, très intéressant. C'est intéressant, oui, mais c'est tellement bien fait, tellement bien amené, là. On traite du vampirisme, on traite de la lycanthropie, on traite des phénomènes d'hantise, des jouets qui sont hantés par l'entremise d'une poupée matelot qui est absolument horrible. C'est le dernier épisode, d'ailleurs, ça. Laurie, ou ben non, Mythe, si vous préférez, Mythe et Légende, c'est vraiment très, très bien. Ça s'écoute super facilement, de façon... vous consacrerez pas 6 jours à écouter ça. À moins que vous écoutez un épisode par jour, bien entendu, puisqu'il y en a 6. Mais c'est vraiment très bien fait. Autre truc que j'ai écouté, Downsizing, qui est une... écoutez, c'est une comédie fantastique. Et moi, je pense que je vais enlever le mot comédie. Et je vais remplacer fantastique par drame social. C'est un film qui met en vedette Matt Damon, Kristen Wiig et Christopher Waltz. Très bon, Christopher Waltz. Matt Damon aussi, c'est un très bon acteur. Et c'est un film d'Alexander Payne qui, quand même, P-A-Y-N-E et non P-A-I-N comme moi, qui a fait des trucs intéressants. Mais Downsizing, ça raconte... faut que je revienne du début, parce que ce qui m'a attiré du film, c'est vraiment le scénario, qui est pour lutter contre la surpopulation et évidemment la famine éventuelle. Bien, les scientifiques mettent au point un processus qui permet de réduire les humains à 12 cm. Donc, de cette façon, ils vont manger moins bien, soit vont prendre moins de place sur la Terre, et ainsi de suite. Et c'est sur une base dite volontaire que ces humains-là se font réduire ou rapetisser pour vivre dans une forme de colonie qui a été aménagée spécifiquement pour eux, et dont les humains de grande taille, qui sont maintenant pour eux des géants, peuvent visiter, aller voir comme sous forme d'attraction, si on veut, pour peut-être les faire avoir envie de devenir comme eux, de faire de rapetisser. J'ai trouvé l'idée intéressante, mais malheureusement, c'est un film qui a été foncièrement échappé. C'est un film qui tourne à on ne sait quoi, qui devient dans le drame social. Il n'y a rien de drôle là-dedans, alors que ça aurait pu l'être. Et on on s'égare sur on ne sait quelle ligne de conduite pour en arriver à quelque chose qui, finalement, on se dit après avoir écouté le film, mais que c'est ça? Donc, Downsizing, j'ai pas tellement apprécié. C'est très bien fait, par contre. Ben, on s'entend qu'il n'y a pas énormément d'effets spéciaux quand même, somme toute là. Mais c'est correct. Si vous avez rien d'autre à écouter. Par contre, film qui est excellent, ben, je dirais excellent. Ouais, il est assez bon, finalement. Peut-être pas excellent, mais assez bon. C'est The Secret Man, Mark Felt. C'est un biopic, bien sûr, un drame thriller qui met en vedette Liam Neeson, Diane Lane et Martin Xokas, pardon. Un film de Peter Landisman. Et ça raconte l'histoire vraie de Mark Felt, cet agent qui était le numéro 2 du FBI et qui aura mis à jour des procédures gouvernementales tout droit issues de la Maison-Blanche qui étaient fort contestables et qui entraînaient bien sûr le Watergate, cette fameuse histoire du Watergate. C'est très célèbre dans l'histoire des États-Unis sous la juridiction ou la gouvernance de cet extraordinaire président qui était Richard Nixon. Quel pourri! D'ailleurs, heureusement, il a démissionné suite à ce scandale que Mark Felt a mis à jour au risque de sa carrière, bien entendu, et de sa propre vie. Donc, c'est un très bon film. C'est vraiment très bien amené. Et ça nous fait voir une face de l'histoire américaine qui certainement a été très, très, très médiatisée, très publicisée à l'époque et dont on parle encore aujourd'hui, mais d'un autre aspect, d'un autre angle. Donc, on voit comment les choses se sont produites et qu'est-ce qui a amené à cette enquête dont, en fait, Felt était possiblement le seul à vouloir aller jusqu'au bout à travers tous ces méandres bureaucratiques du FBI. Donc, c'est un bon film. La semaine prochaine, je vais vous parler de la deuxième saison de Jessica Jones, qui est une série de Marvel, bien sûr, qui met en vedette Kristen Ritter, qui est une série policière à connotation fantastique, dont j'avais bien aimé la première saison en 2015, ainsi que du film que j'attends depuis sa sortie, de pouvoir visionner, un film d'horreur de Brian O'Malley qui s'appelle The Lodgers. Donc, la semaine prochaine, ce sera les chroniques la chronique avec lesquelles je vous entretiendrai. Musicalement parlant, Sinistros avait prévu de vous présenter ce soir deux extraits du nouvel album de Pestilence, la formation des Pays-Bas. L'album Mahedian, qui est leur huitième album paru le 5 mars, donc c'est une vieillerie indéniablement, paru sur Hammersmith. Il avait prévu de le faire, mais moi j'ai changé d'idée, je trouve ça pas très bon, donc je vous le pense pas. Non, c'est pas vrai. D'après moi, j'aurais un téléphone qui sonnerait assez rapidement. Pestilence, formation qui existe depuis 1986, qui aura eu une pause entre 1994 et 2008 quand même, et en 2014 et 2016. C'est une formation qui a débuté dans un mouvement trash metal. Ils sont convertis au death metal et ils sont devenus un peu plus progressifs et auraient tendance même à se donner l'étiquette de jazz fusion. Ce avec quoi je suis plus ou moins convaincu une fois de plus. Mais il y a une chose par contre avec laquelle je suis d'accord, c'est que cet album de Pestilence, je le trouve très différent de ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent. Personnellement, j'avais plus ou moins apprécié Obsidio, le précédent de 2013. Ainsi, Doctrine était quand même pas si mal de 2011. Mais pour moi, ce avec quoi je m'entendais le mieux, c'était Résurrection Macabre, qui était paru en 2009. Mais quoi qu'il en soit, Sinistros a prévu de vous présenter ces deux pièces qui sont Multidimensional ainsi qu'Astral Projection Pestilence. Vous êtes à l'animation. Let's go. Between the micro guys, yeah. Pestilence. Deux pièces tirées de leur plus récente parution, Edion, qui est paru le 5 mars dernier sur étiquette Hammersmith. On a entendu la pièce Astral Projection, pardon, et c'était ouvert et précédé plutôt par Multidimensional. Je me rappelle pas qu'est-ce que Sinistros lui a accordé comme cut. Je suis pas allé encore vérifier, là. Moi, personnellement, cet album-là m'a laissé un peu froid, je dois dire. Je suis peut-être un gros fan de Pestilence, je sais pas. C'est pas vilain, non. Mais je pense que je suis un peu tanné de la voix de... Comment il s'appelle déjà? Patrick Manley. Effectivement, je pense que sa voix ne convient peut-être plus à ce que j'attends du metal ou death metal. Un peu particulier, par contre. Ben, voilà. C'était la présentation de Sinistros. On va poursuivre immédiatement avec la deuxième présentation de la soirée, qui est un de mes choix. Formation que j'ai découvert par un heureux hasard, dois-je dire. Formation qui porte le nom de Void Anger. Formation qui vient de Krakow, en Pologne. Et l'album Dark Days of the Soul, qui est disponible sur Agonia Records. Void Anger, ben, on les dit Black Trash Death Metal. Moi, je vous dirais qu'ils sont des Extreme Death and Roll. Il s'agit de leur troisième album. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Je lui ai donné une cote de 9 sur 10, Void Anger. Et c'est définitif que je me suis empressé d'aller essayer de retrouver ce qu'ils ont fait par le passé. Donc, je vous propose immédiatement deux pièces qui sont tirées de Dark Days of the Soul, leur troisième album paru le 2 mars sur Agonia Record. Comme je le disais, on va entendre Dark Days of the Soul, la pièce titre, ainsi que Eye on Hate, Void Anger. Let's go. fou. Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. 89.1. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis. La sortie de secours est une émission de cuisine où chaque semaine, nous vous convions à apprendre des recettes comme le bourgeois rôti, le politicien dans sa sauce d'enveloppe brune ou encore le président aux Cheetos. La sortie de secours est à votre gauche. L'émission coquine d'affaires publiques, le jeudi 18h, en rediffusion samedi 11h, sur les ondes de CIFU 89.1. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Le Trotteur est pour vous. Afrofunk, fado, bluegrass, zouk, ethio-jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CIFU 89.1. CIFU 89.1 FM. FM. Juste avant la pause publicitaire, on a eu la deuxième présentation de la soirée qui était consacrée à Void Anger, en un mot. Album qui porte le nom de Dark Days of the Soul, qui est leur troisième album, paru le 2 mars dernier sur Agonia Recording. Void Anger, c'est une formation qui vient de Pologne, de Krakow, je crois que c'est comme ça, et qui serait qualifié de, comme je le disais, de black trash death metal, alors que moi je vois beaucoup plus du death and roll hautement vitaminé. J'ai beaucoup aimé. Formation qui parle principalement de satanisme, de misanthropie et de choses très négatives. Comme je le disais, c'est leur troisième album et c'est un trio. C'est un trio qui, selon ce qu'on peut voir d'eux au niveau de la photographie, ça me semble pas être des gens relativement fréquentables. On compte dans ce trio Priest à la batterie, Zyklon à la guitare et à la basse, et Warcramer au vocal. Donc, il n'y a pas de guitare. Bon, c'est probablement quelqu'un qui a été invité pour l'affaire, j'imagine. Hein? Bref, j'ai beaucoup aimé, 9 sur 10, comme je le disais. Troisième présentation de la soirée, c'est un choix de Sinistros. C'est la formation Abysmal Grief, avec leur une pièce tirée de leur cinquième album, qui porte le nom de Blasphema Secta, qui est paru le 13 janvier, mais c'est donc très vieux. Très, très vieux, 13 janvier 2018. Voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Sur étiquette Sun and Moon Records. Il vous a choisi la pièce Maleficence. On va écouter ça de ce pas. Abysmal Grief. Go. Thank you. Yeah. 20h41, présentation de Sinistros à Abysmal Grief, formation italienne avec leur cinquième album Blasphemous Sectar qui est paru le 13 janvier dernier sur Sun and Moon Records. La pièce est en Maleficence. J'avais vu passer ça, mais je m'y étais pas attardé, puis si je trouve ça dommage, parce que j'ai beaucoup aimé Abysmal Grief, en fait, cette pièce, je me promets d'écouter l'album définitivement. C'est une belle découverte que Sinistros vient de me faire là. Une découverte plutôt, oui, effectivement. Donc, oui, c'était très, très bien. Je vous rappelle que ce vendredi, dès 11h, ici même à Cifou 89.1 FM, c'est l'émission Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Cette semaine, Rockmaster Franck Cavalier seul à son tour, comme moi ce soir, puisque je ne pourrai y être, avec une émission qui, somme toute, devrait être le 3 pour 1, si je ne m'abuse. Donc, 3 pour 1 pour le Rockmaster avec évidemment les chroniques habituelles, soit les éphémérides en début d'émission, album classique et groupe obscur. Donc, de 11h à 17h pour les vrais amateurs de vrai rock, rock classique avec Alain Lefebvre, dit le Rockmaster, et peut-être même pianiste, sait-on jamais. Aussi, ce vendredi, comme nous sommes rendus à des prestations de la part de notre ami DJ Tower of Death à tous les deux semaines, c'est ce vendredi que Subversion vous sera présenté. Vous pourrez écouter le podcast directement sur SoundCloud et généralement, vous pouvez l'avoir assez tôt le vendredi en début de soirée. Donc, Subversion, pour les amateurs de musique subversive. Je vous rappelle que la semaine prochaine, Sinistros devrait être de retour. Théoriquement, si la température est clémente, bien entendu. Nous avons des présentations la semaine prochaine. Je vais vous dire ça à l'instant. Une petite minute. Oui, effectivement, Sinistros vous proposera deux albums, deux incursions dans la nouvelle parution de Judas Priest, Firepower, ainsi que celle de Ministry Americant, dont j'ai fait une chronique sur le site de réanimation AD.com. Donc, ça devrait être... en fait, Judas Priest, j'ai même pas écouté rien du tout de ce qu'ils ont fait depuis un sacré bout de temps. Donc, ça va être une surprise pour moi aussi. Sinistros a voulu vous refaire revivre du heavy metal traditionnel, donc ce dernier bloc de réanimation sera consacré aux formations britanniques Hell, Satan et Saxon, dont une dernière parution, une parution du dernier album de Saxon qui est paru le 2 février dernier, je dis n'importe quoi, à Thunderbolt. On va entendre de Hell à l'instant de Age of Nefarious. Ça vous êtes en réanimation, let's go! Saxon et la pièce titre de ce dernier album Thunderbolt qui est paru le 2 février dernier sur Silver Lining. Il s'agit de leur 19e album en carrière quand même, des vieux routiers Saxon. Juste avant, Satan et la pièce Cenotaph tirée de Life Sentence, leur plus récente parution également, mais eux c'est en 2013. Le 29 avril, sous étiquette Le Sonnable, et on a ouvert avec L, toutes des formations qui sont britanniques, et la pièce The Age of Nefarious qu'on trouve sur Cursed and Chapter, leur deuxième album paru le 22 novembre 2013, sous Nuclear Blast. Juste le temps de vous dire qu'on sera de retour à réanimation mardi prochain dès 19h, soyez-y. Ne manquez pas une version ce vendredi, allez sur le site de... le blog de Sinistros, hurlement.com, ainsi que pour l'émission Rock Classique ce vendredi, c'est même assez fou. Dès 11h, on se laisse avec une dernière pièce du plus récent album, en fait une partie du plus récent album dont Thorns I Lay, qui s'intitule Again Sorrow. Et n'oubliez pas que le 6 et 7 avril prochain, c'est le Trois-Rivières Metal Fest 15e édition. Qui mettent en vedette Cattle Depetation, Jungle Rot, Anonymous, Eternal, Entrotil, Outre-Tombe, Necrosphere, et tant qu'au samedi le 7, The Spies Icon, Beyond Creation, Obeyer Brave, Get the Shot, Divinity, Insurrection et Northwalk. Northwalk! On devra avoir Jeff Hull en entrevue pour nous parler de ce festival le mardi 3 avril prochain. On tourne Zyli. À la semaine prochaine. See you! Allez tous vous faire foutre, bien sûr!